je t'étreins ivre, je m'éteins libre, je titube et m'étale sur le lit. Ta peau d'ambre au goût exquis s'approche de mon ombre. Ta nuque si délicate, des gants de satin, tes talons écarlates, la courbe de tes reins, des perles dans ton cou, le rouge de tes lèvres, ton regard si doux, je tremble de fièvre, je t'étreins ivre. Je m'éteins libre, je titube et m'étale sur le lit. Ta peau d'ambre au goût exquis s'approche de mon ombre. Tu me prends par la main, comme si on s'aimait déjà. Je connais ce chemin, je sais où il va. Nous avons oublié hier, et demain n'existe pas. Les murs défilent, tout s'accélère, la nuit nous ouvre ses bras. Je t'étreins ivre, je m'éteins libre, je titube et m'étale sur le lit. Ta peau d'ambre au goût exquis s'approche de mon ombre. À rien, je ressens simplement ta peau, ton parfum, la lumière doucement. Tu me souris, le devoir accompli et l'espace d'un instant avant de te donner ton billet. J'étais un enfant.